4, 3, 2, 1, lift off. Je vais vous parler aujourd'hui de Lisa. Non, ce n'est pas le prénom d'une belle astronaute candidate à la première mission humaine sur Mars, non. C'est celui d'un futur détecteur placé dans l'espace, chargé de capter des ondes gravitationnelles. Mais d'abord, c'est quoi les ondes gravitationnelles ? Selon la théorie de la relativité générale, lorsque des corps massifs sont en mouvement dans l'univers, la courbure qu'ils impriment à l'espace-temps se propage de manière analogue à des vagues à la surface de l'eau. On désigne par onde gravitationnelle ce type de perturbation qui se déplace à la vitesse de la lumière. Einstein avait prédit leur existence en 1916. Mais ces ondes sont de si faible amplitude qu'elles sont incroyablement difficiles à détecter. Un siècle plus tard, les chercheurs ont réussi à mettre au point des télescopes à ondes gravitationnelles qu'on appelle des interféromètres. Ce sont les instruments scientifiques les plus sensibles jamais construits par l'homme. Ils sont capables de mesurer la variation infinitésimale d'un segment de l'espace qui se produit au passage de l'onde gravitationnelle même la plus puissante. Le diamètre de la Terre, à peu près 10 000 km, varie à peine de la taille d'un atome. Le pari a été réussi. France Inter. Cette découverte, si elle est confirmée, sera l'une des plus importantes du siècle au moins, et elle vaudrait à ses découvreurs le prix Nobel. De quoi s'agit-il ? Eh bien, on a peut-être trouvé les ondes gravitationnelles dont parle Einstein. Certains auditeurs se souviennent peut-être d'une annonce historique faite en février 2016 dans le domaine spatial. La première détection directe d'ondes gravitationnelles émise par la fusion de deux trous noirs réalisés par deux interféromètres nommés LIGO installés sur le sol américain. Lors de cet événement, baptisé GW150914, en raison de sa date de captation le 14 septembre 2015, deux trous noirs de 30 masses solaires, situés à plus d'un milliard d'années-lumière, s'étaient unis pour former un trou noir unique. Dans la fusion, trois masses solaires s'étaient littéralement volatilisées en énergie gravitationnelle en moins d'une seconde. C'était 10 fois l'énergie lumineuse dégagée par l'univers tout entier avec ses centaines de milliards de galaxies. Grâce à l'adjonction d'un troisième interféromètre nommé Virgo, placé sur le sol européen, l'événement a été suivi de dizaines d'autres, signant les débuts de l'astronomie gravitationnelle, seule capable de fournir d'irremplaçables données sur les trous noirs et l'univers invisible. Mais tout comme pour l'astronomie de rayonnement électromagnétique, l'envoi de télescopes gravitationnels dans l'espace permettra d'améliorer considérablement les performances des instruments au sol. C'est tout l'enjeu de LISA. Projet phare de l'Agence spatiale européenne et de la NASA. LISA, acronyme signifiant Antenne spatiale interférométrique à laser, se compose de 3 satellites reliés par des faisceaux laser, disposés au sommet d'un triangle équilatéral de 5 millions de kilomètres de côté, en orbite autour du Soleil et suivant la Terre à une distance de 50 millions de kilomètres. La principale difficulté consiste à stabiliser les distances entre les satellites avec une précision jamais atteinte, ce qui suppose de compenser par exemple la pression du vent solaire et d'autres influences parasites. C'est pour tester cet élément décisif que l'Agence spatiale européenne a lancé fin 2015 la sonde éclaireur LISA Pathfinder, qui a placé à 1,5 million de kilomètres de la Terre 2 masses étalons séparées de 38 cm. Il s'agissait de s'assurer qu'en l'absence d'ondes gravitationnelles, cette distance ne variait pas de plus d'un millionième de l'épaisseur d'un cheveu humain, auquel cas le passage d'une onde gravitationnelle serait détectable. Eh bien, tout a fonctionné comme prévu et même mieux. L'interféromètre complet LISA devrait donc être placé en orbite en 2034. L'histoire de l'astronomie a prouvé que chaque fois que l'homme a scruté le ciel avec d'autres yeux que les siens, de nouvelles merveilles lui sont apparues et ont amélioré sa compréhension de notre vaste univers. Juste un peu de patience est requise. À demain. À demain, Jean-Pierre Luminet.